vous voulez. Et si on a le temps, et qu'entre-temps les orateurs ont répondu, on pourra prendre une deuxième série si le besoin s'en fait sentir. J'ai une première question là. Voilà. J'ai quatre remarques et une question, mais très court. Hein. Donc d'abord, sur le vin sang de la terre, ça va être un des fils conducteurs entre la caricature de temps de paix et la caricature de temps de guerre en 14-18. Hein, la terre qui ne ment pas, le vin, le sang de la terre, etc. Donc ça, c'est un classique. Ensuite, deuxième chose, les étudiants au café sont une constante des études de café au Moyen-Âge et à l'époque moderne. On ne les trouve plus à partir du 19e siècle, et en particulier à la fin du 19e siècle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné en faisant mon bouquin. Ça devient très difficile, en fait, de traiter les étudiants au café. Les bohèmes, c'est encore possible. Les étudiants, ça devient très compliqué. Donc, la prévalence, en particulier, c'est un cauchemar. Pour choper, voir quels étudiants et tout, là, à mon avis, il y a un point. Ensuite, j'avais fait quelque chose il y a quelques années sur l'antiprotestantisme dans les images. D'après ce que vous nous avez dit, sur le culte de la bonne chère dans l'Action française, il y a aussi en fait une constante antiprotestante et qui, là encore, à mon avis, est un chantier à creuser parce que ça n'a pas été travaillé en tant que tel. Autant le protestantisme culturel a été vraiment très travaillé par Zuber, etc., etc., Bobéro, mais l'antiprotestantisme, à mon avis, reste un chantier. Et enfin, je pense que la violence dans les bistrots est encore quelque chose aussi qui reste à envisager. J'avais vu en particulier qu'il y avait un certain nombre d'attentats contre des bistrots algériens, kabyles, de l'émigration dans les années 70. Là-dessus, il y a beaucoup d'attaques d'un bistrot à un autre à la Belle Époque. Il y a encore là, il y a des lignes. Donc, encore une fois, le terrain reste. Voilà. J'avais une question simplement. Monsieur Truel et Monsieur Dard, vous nous dites qu'en fait, à la Belle Époque, les bonapartistes et les conservateurs sont peu habitués des réunions au bistrot, qu'ils le deviennent peu à peu. On a l'impression qu'au moment de l'Action française, c'est quelque chose de bien installé. Finalement, à partir de quand se fait la bascule? À partir de quand cette habitude de se réunir au bistrot devient-elle une coutume parfaitement intégrée par la droite extrême ou l'extrême droite? Je prends la deuxième question, parce qu'on fera des réponses globales. Bien sûr. Donc, Corinne. Oui, moi, c'est une question sur la nourriture politique. Aujourd'hui, si on regardait les menus, je pense que ce que les gens mangent, la nourriture est devenue assez politique. Et Olivier, tu nous parlais de classicisme, cette volonté, là aussi, d'imprimer une vision politique à ce qu'on mange. Mais est-ce qu'il y a vraiment une vision politique, ou est-ce qu'on retrouverait dans l'art de la cuisine française, en fait, les mêmes choses, les mêmes menus à un certain niveau social, lorsque ce sont des députés qui mangent, ou des journalistes, qui soient d'Action française, ou du Parti radical, ou d'autres choses, parce qu'en fait, il y a une sorte de matrice. Voilà. Donc ma question, c'est vraiment ça, est-ce qu'en fait, on retrouve les mêmes menus, on mange les mêmes choses, qu'on soit d'Action française, qu'on soit du Parti radical, là, à un certain niveau social de responsabilité politique. Voilà, c'est ça. On peut prendre une troisième, si... Voilà, Edouard. Oui, non, j'ai une question de détail là, sur la question des affluences, parce que, voilà, j'ai lu pas mal de comptes rendus de réunions et voilà, les comptes rendus enthousiastes qui expliquent qu'il y a 4000 personnes, 10 000 personnes. Il n'y a pas que la police hein, qui exagère dans le mauvais sens. Donc, je pense que, voilà, et parfois la police reprend tout simplement voilà, les données par les journaux. Donc je pense qu'il faut, il faut faire attention à l'enthousiasme des rédacteurs politiques. Voilà, c'est un enjeu aussi. On se refait une première série de réponses et après on va voir Olivier. Non, sur la question d'abord, sur la question des cafés, du côté étudiant, je ne vais pas parler d'ILIP, etc., de toute l'importance que ça peut avoir pour un certain nombre de jeunes types de l'AF. Mais ce qu'il faut comprendre de l'Action française, c'est c'est l'importance de la section. Il y a des sections, et c'est la section qui est un lieu essentiel, et pour les étudiants, par exemple, à Paris, il y a le très célèbre 33 rue Saint-André-des-Arts. Et le 33 rue Saint-André-des-Arts, c'est à la fois le lieu où se déroulent les conférences et même les formations, hein, et les étudiants viennent faire des exposés devant les responsables de l'Action française et on corrige, puisqu'il s'agit avec l'Institut de faire une contre-université, et ce 33 rue Saint-André-des-Arts est un lieu où ils vont, ils viennent, ils préparent, ils vont faire une bagarre, ils vont faire une distribution de tracts. Voilà, c'est un véritable quartier général, et de ce point de vue, c'est un point essentiel. Alors, sur la question du classicisme, je pense qu'en fait, tu as bien fait de poser la question, parce qu'en réalité, ce n'est pas tant forcément le contenu des mecs qui compte dans la question du classicisme, c'est la façon justement dont on va les cuisiner, et pour arriver à avoir les recettes les plus précises et à reproduire les recettes. Ce qui est toujours l'affaire, c'est la recette parfaite, comment faire le foie gras, le lapin comme ci, etc., etc. Et donc, une fois que le plat... on est capable de le faire et de l'avoir fait parfaitement, il y a évidemment l'idée qu'on ne va pas forcément chercher à innover pour innover. Hein. Revisiter les recettes comme on le fait aujourd'hui est absolument indispensable pour une pampille où on crée une nouvelle recette, pourquoi pas. Mais une fois qu'une recette est établie, c'est un peu tout, c'est tout parallèle avec une œuvre d'art en fait. Hein. Voilà, c'est la perfection de l'art classique, voilà. Beaucoup plus que le contenu des mets, tu as tout à fait raison. Hein. Tu lis les menus et tu lis les recettes, tu trouves effectivement tout à fait ce que tu peux trouver ailleurs. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. La preuve, il parlait de truite avec Archambault. Oui. Pour la bascule, ou en tout cas la tentative de bascule, alors, moi, je connais moins l'Action française que les mouvements bonapartistes antérieurs à l'Action française et tous les royalistes, pardon. Je pense que c'est au moment où, justement, l'appel au peuple est en difficulté, certes, électorale, hein, où il y a vraiment une baisse du mouvement avec les crises internes liées à cela. Et l'idée, effectivement, de revenir à des sections pour l'Action française, on le trouve, ça. Hein. Donc, aller vers des quartiers, effectivement, plus... Alors, c'est vrai, moi, je t'interromps. La question, tu parlais, tu me le rediras, mais ta réunion royaliste dans un quartier populaire ne m'étonne pas du tout. Tout dépend de la date. Oui, il faut la retrouver. Je crois qu'on est en 1907. Enfin, ouais, voilà, on est en pleine époque du cercle à Proudhon, donc c'est parfaitement cohérent. Est-ce que vous ne pensez pas que le boulangisme, justement, de ce point de vue-là, a pu observer une bascule, parce qu'en particulier des Rouleds devient des spécialistes des réunions à l'entrée du boulevard Barbès, à l'endroit qui sera plus tard le Dupont Barbès, mais qui ne l'est pas encore, avec un café qui est vraiment un café politique, en l'occurrence. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'effectivement, dans les années 70, il y a une réticence très forte des milieux conservateurs, et que c'est justement le boulangisme qui va procéder à une acculturation au lieu café, et derrière, à une modernité politique qui se voit dans les journaux, dans les affiches, dans l'utilisation de l'image. Et d'ailleurs, les cafés en proximité des journaux. Évidemment. Il y a le quartier des journaux à Paris, le rôle de l'imprimerie de l'Action française est un véritable point névralgique, parce qu'on garde l'imprimerie, mais on ne la garde pas évidemment uniquement avec en suçant de la glace. Donc voilà, c'est, les étudiants sont là, mais voilà, c'est à longueur de soirée. Hein. Alors la question des étudiants, effectivement, ça m'a interrogé, puisqu'au début j'avais proposé donc cette communication sur les crises, et je m'étais peut-être un peu emballé effectivement sans vérifier, je dirais bien, ce que j'avais sous la main, et c'était assez pauvre en fait. J'ai beaucoup travaillé, l'affaire Dreyfus à Bordeaux, hein, avec les émeutes, notamment autour de janvier 1898, toute la France, hein, les émeutes, mais à Bordeaux aussi, et le mouvement étudiant, il ne démarre pas dans les cafés. Ils vont chercher les gens pour manifester dans les cafés. Ça oui, on le voit à la rotonde par exemple, vous voyez ici, ils passent à la rotonde chercher des gens, des gens qui se consomment, qui ne sont pas forcément pour faire du nombre, pour faire venir, pour influencer le mouvement, mais le départ ne vient pas des cafés, vient de l'université. De l'université directement, ils refusent, alors il y a toute une histoire à Bordeaux avec le recteur Coua, etc., et on interdit le Dreyfusard, c'est-à-dire j'ai perdu son nom, mais de faire cours, etc., enfin il y a une obstruction vraiment des profs, et la manifestation commence là et finit jusqu'à 2h du matin avec l'affrontement avec la police. Hein. Donc vraiment, j'étais très surpris de ne pas voir cette vie, parce que bon... J'ai été étudiant à Bordeaux dans les années 90, la vie était dans les cafés aussi. Là, voilà. J'ai deux pistes. C'est d'une part le développement des amicales, qui va être important à ce moment-là. Et ensuite, quelque chose dont on a complètement perdu trace, même si c'est un événement parisien, il y a dans le long terme une répercussion à l'échelon national, c'est au moment des émeutes du bal des Khazars en 1893, la mort de l'étudiant Nuger, qui va en fait provoquer une sorte de coutume qui est de fermer les terrasses au moment des manifestations. Et donc ce rapport, je dirais, un petit peu de distanciation avec les cafés au moment des manifs, des émeutes, des émotions, des manifestations, etc., ça, là aussi, c'est une intuition, hein, faudrait voir avec Tarta sur l'occupation de la rue, mais là, il y a peut-être quelque chose. Il y a aussi... Vous me faites penser à ça parce que j'ai pas mal lu les rapports de police sur cette question-là. Le fait que la police est souvent à cheval, ah oui, et que dans le maintien de l'ordre, les commissaires demandent aux cafetiers de fermer les terrasses aussi, parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça entrave l'action des chevaux. Mais les chevaux piétinaient les gens. Enfin, on est beaucoup du maintien de l'ordre de nos jours pour contenir les foules. Bon, moi, j'aurais une question, mais est-ce qu'il y a une ou deux autres questions qu'on peut prendre? On a encore une minute. Oui, ouais, je reviens, c'est cette question, mais c'est vraiment un regard plus général. C'est vrai que cette question de la jeunesse est intéressante dans son absence, hein, parce que je me sens que personne n'a pris ce sujet. Et pourtant, c'est très intuitif de se dire que la politisation de la jeunesse, donc ça pose la question, par exemple, du mouvement de jeunes. Bon, si, ça, j'aurais pu en parler, moi. Ouais. J'en parlais dans l'écrit, j'ai sabré. Les banquets des étudiants, sont importants. C'est vrai que dans les formes, voilà, je ne sais pas, c'est les jeunesses socialistes, les jeunesses communistes, est-ce qu'il y a... voilà, je pense que les cafés sont là aussi, donc... C'est une question pour les deux, puis pour Brian en particulier. Moi, ce qui me frappe, est-ce qu'il n'y a pas une relation inversement proportionnée entre l'implantation d'un parti politique en locaux, de quartier, et quand on n'a pas cette implantation, le café, la frappe gaulliste, est un substitut. Parce que clairement, vous prenez un parti comme le Parti communiste, à la même époque, c'est-à-dire après 45, moment où il est au maximum de sa puissance, cadré quasiment la plupart des départements par un réseau de locaux, le local fédéral, les locaux de section, et donc on peut voir et se retrouver dans le local. À côté de chez moi, il y avait un local du Parti communiste, alors il n'est plus, mais il y a encore l'inscription section municipale, et quand on regarde ce qu'il y a dans la pièce, le local est déserté aujourd'hui depuis très longtemps, il y a une grande salle avec des bancs, il y a un comptoir au fond, et donc on pouvait très bien consommer. Et donc, quand dans la mesure où on n'a pas cette implantation en locaux, parce qu'on est un mouvement jeune, le mouvement gaulliste né en 1947, donc et on est tout de suite engagé dans la bagarre politique avec de gros résultats électoraux, on pallie l'absence de locaux, ou l'insuffisance de locaux, par une implantation dans les cafés. Et ça, moi, c'est l'hypothèse que je pose, parce que c'est vrai que pour les socialistes après 45, ils ont aussi un quadrillage de locaux, la SFIO, bon, pas partout, mais quand même assez important, et donc quelque part, bon, on se voit et on boit éventuellement au local, plutôt que de boire au bistrot. Et la deuxième remarque, oui, c'est sur le milieu, enfin ce lien du parti du gaullisme avec le milieu, ça nous renvoie à la cassure de la fèvre pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a une partie, surtout à Paris, c'est le récent bouquin sur la carlingue, qui est pas mal du tout, même si c'est connu, qui bascule dans le collaborationnisme le plus effréné, hein, la bande Bonnie Lafont et tout ce qui l'entoure, c'est quand même assez spectaculaire, et à Marseille, en revanche, on sait que le milieu se casse en deux. Il y a une partie qui est côté collabo, une partie côté résistant, et ça va donner, quelques générations plus tard, un président de conseil général, le Jean-Noël Guérini, socialiste, issu du clan Guérini, d'un village corse, qui était quand même un grand clan du banditisme méridional après la Seconde Guerre mondiale, et qui a été reblanchi par la politique municipale et départementale. Jean-Noël Guérini, c'était voilà, le clan Guérini. Et donc là, ça renvoie aussi à ces histoires. Je voulais ajouter quelque chose par rapport aux étudiants à Paris, qui est quand même très important. C'est toute l'importance de la salle des sociétés savantes. Maintenant, c'est la maison de la recherche de Serpente. Dès qu'on parle aux étudiants le premier jour, je leur explique qu'ils sont dans un lieu très important, parce que cette salle des sociétés savantes, c'était véritablement le lieu où tous les groupes politiques, toutes tendances confondues des années d'entre-deux-guerres et même avant, venaient réserver des salles. Donc de ce point de vue, vous vouliez organiser, au premier étage, vous aviez les étudiants socialistes qui faisaient je ne sais pas quoi, et ça fonctionnait. Voilà, donc de ce point de vue... Il y a aussi la salle de l'amicale étudiante rue des écoles, absolument, dans les années 30, qui a été très importante, mais je voudrais réagir sur la question des locaux. On trouve en fait le même phénomène pour les cafés de l'émigration. On s'aperçoit je crois en tout cas, qu'on peut s'apercevoir que l'émigration espagnole et portugaise crée beaucoup d'amicales dans lesquelles, en fait, ce sont des associations privées qui se regroupent dans des locaux fermés pour consommer ensemble et qui ne sont pas donc des lieux publics, des débits de boissons en tant que tels, là où au contraire, l'émigration maghrébine par exemple et les cafés kabyles vont ouvrir des lieux qui sont donc des lieux de débits de boissons dans lesquels il y a une majorité de fréquentation évidemment des gens issus de l'émigration, mais pas que, qui sont des lieux quand même ouverts, et que là il y a deux différences en fait de culture de l'entre-soi et de culture de la sociabilité issue de l'émigration. Je pense que c'est pour ça qu'on trouve en fait assez peu de cafés espagnols, assez peu de cafés polonais, assez peu de cafés portugais, quoique déjà un petit peu plus. Donc je pense que là, sur cette question-là, ça joue aussi sur d'autres réseaux de sociabilité. Je passe la parole à Brian pour qu'il puisse répondre sur... Oui, alors concernant le temps du RPF, bon, j'ai sabré visiblement passé parce que j'avais dépassé 10 minutes, mais j'ai déjà beaucoup sabré et en fait ça en fait partie des éléments que j'avais prévu d'évoquer dans le grand 1 déjà. C'est un palliatif, alors j'ai dit c'est pour des raisons économiques d'abord. De ce que moi, des archives internes, c'est surtout pour des raisons économiques parce que quand vous mettez votre permanence chez un adhérent ou un sympathisant, au mieux, vous avez la gratuité. Vous ne payez pas le local, au pire, entre guillemets, vous ne paierez jamais autant que quelqu'un qui n'est pas adhérent ou sympathisant, justement. Donc il y a un avantage économique à le faire. Et quand on démarre, bien sûr, il vaut mieux utiliser l'avantage économique, surtout que l'RPF, en termes de financement, était plus que chaotique, vraiment. Par la suite, on voit que le local, oui, souvent, ça peut drainer des militants qui vont arrêter de fréquenter des bars parce qu'ils ramènent en fait la boisson et la ripaille chez eux. Je veux dire, en mai-juin 68, on voit hein, les sièges en fait étaient des forteresses et on évitait les bars et les restaurants parce que tout le monde imaginait à ce moment-là que c'était des bastions gauchistes potentiels. Mais très vite, ça revient à la normale, c'est-à-dire qu'en fait, on perd nos habitudes. Et comme je l'avais évoqué, la Runeau, c'est un très bon exemple. On est à Marseille, ils ont un énorme local, quand même, mais c'est l'un des plus gros locaux qu'ils aient à leur disposition en France. Il n'est quasiment pas fréquenté, ils le payent. Mais ils préfèrent aller au bar-restaurant tenu par la pègre locale dont ils sont adhérents, parce que c'est moins cher, parce qu'ils ont l'habitude, en fait. Donc je pense que ça joue, ça aussi. Il faut voir s'ils ont un local ou pas. Si on parle des droits nationalistes, un mouvement comme l'Occident, on n'a pas de local, où est-ce qu'ils se réunissent sur les Léon à l'étage, en 68. Europe Action avait un local, et donc eux, ils n'avaient pas besoin forcément d'aller au bistrot au début des années 60. Donc voilà, Et si vous me permettez une petite réaction par rapport à la remarque d'Evornich, en fait, pour les jeunes, je suis totalement d'accord, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, en tout cas pour les fréquentations des bars, des restaurants, parce qu'ils sont assez invisibilisés par les sources. Mais, alors ce sera un énorme travail à faire vraiment, mais justement les archives militantes ont tendance à l'évoquer ça. Moi, les mentions d'étudiants que j'ai chez les étudiants gaullistes qui vont dans les bars, j'en ai quand même plusieurs, surtout que j'ai du RPF, parce que les archives gaullistes sont ce qu'elles sont, donc elles sont riches pour l'RPF, elles sont quasi absentes pour le reste. Mais en fait, ils en parlent dans leur rapport, ils disent ben voilà, on est allé à tel endroit pour faire la réunion, et souvent, ben, en fait, on constate que c'est un bar ou un café. C'est rarement un restaurant parce que c'est plus cher. Et on voit qu'ils disent voilà, aujourd'hui, on était temps, on s'est réunis pour faire la réunion des étudiants de telle famille politique. Donc peut-être à travers les archives militantes, on peut trouver un palliatif à ce vide. Je reprends la parole un instant, il y a un lieu dont on n'a pas parlé, et ça me fait penser par rapport effectivement. Europe Action, etc., c'est la question des librairies. Des librairies militantes. Oui. La librairie de l'Action française, ça compte. La librairie de l'Amitié, dans les années 60, ça compte, etc. Et ça, c'est évidemment duplicable pour d'autres sensibilités politiques. Mais voilà, encore faut-il posséder la librairie. Et peut-être une dernière réaction. Je me souviens, je ne sais plus qui a évoqué les attentats contre des établissements. J'en ai, hein. Ça fait partie des éléments que j'ai coupés. Par exemple, Camille Rayon, que j'ai montré, que j'ai bâclé, en juin 1970, j'ai plus la date, je crois que c'est 18 juin 1970, c'est assez cocasse, son restaurant se fait dynamiter, il est entièrement détruit, par exemple. Alors, on ne sait pas, par contre, si c'est pour des raisons politiques ou à cause de ses liens avec la paix. Ça, on ne sait pas, la police n'a pas su. Bien, donc, on va prendre 15 minutes de pause, hein, et on reprendra pour la